toujours. J'ai fait ma route, j'ai brillé sans aucun détour. Alhamdoulilah, ça va toujours. Moi, comme tu vois, ça va toujours. J'ai fait ma route, j'ai brillé sans aucun détour. Alhamdoulilah, ça va, 911 et je me pavane, pavane. Pierre comme un lion dans la savane, savane. Gros garcite à la Havane, Havane. La route fut longue mais ça va, ça va. Je suis un roi commentaire arabe, rabat. Moi et tous mes ro, on est rabat, rabat. On s'enjaille dans un fer noir mat, noir mat, noir mat. Ils veulent du flouze, ils veulent du flouze. Et le monde part en partout, et le monde part en partout. C'est les réalités, j'ai même vu l'ange Gabriel sur énergie 12, sur énergie 12. Alhamdoulilah, ça va, tu m'as vu chez Arthur Coe, Tifoul, tu m'as vu chez Hanouna. J'ai rendu faire la mama avant que s'en aille et ne fauchez, reste dans la paille. Moi, comme tu vois, ça va toujours. J'ai fait...